Să mai zic, departajăm în ecran. Schimbă-o imediat, po. E că când zic oui, ok. Ben, c'est à mon tour de vous partager, de mettre la parole de Dieu pour communiquer à travers le prophète Esaïe, il y a longtemps. On va parler particulièrement de la première partie du chapitre 22, les premiers 14 versets. Je vais focuser sur l'aspect de la repentance. On va voir que c'est central dans le contexte du texte. Il faut comprendre que... avançons, on va lire le texte ensemble. Je vous invite à le lire sur l'écran. J'ai mis la version qui s'appelle Louis II 21, qui est très semblable à la Louis II, mais avec un langage un peu plus modernisé, si vous voulez. Attendez que la fenêtre Zoom, là, il me bloque le texte. Et voilà. Fait que je vous invite à les suivre avec moi sur l'écran. Je pense que ça va vous faciliter un peu le travail. C'est un langage un peu plus mis à jour, si vous voulez. Mais le contenu est essentiellement le même, le concept. Donc, Esaïe 21, de 1 à 14, ça dit... Qu'as-tu donc pour monter avec tout ton peuple sur les toits? Ville tapageuse, pleine de vacarme, ville joyeuse. Tes morts ne seront pas victimes de l'épée, ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs prennent la fuite ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers. Tous ceux qu'on trouve sont faits prisonniers pendant qu'ils s'enfuient au loin. Voilà pourquoi je dis, détournez le regard de moi, laissez-moi pleurer amèrement. Ne vous empressez pas de me consoler de la dévastation qui frappe la fille de mon peuple. En effet, c'est un jour d'angoisse, d'écrasement et de honte envoyé par le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'Univers, dans la vallée de la vision. Une muraille est abattue et les cris de détresse s'élèvent vers la montagne. Elle emporte les carquois sur ses chars, des attelages, cuir sur le bouclier. Tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en ordre de bataille à tes portes. Les dernières défenses de Juda sont forcées. Et ce jour-là, tu tournes le regard vers l'arsenal de la maison de la forêt. Vous constatez les nombreuses brèches faites aux remparts de la ville de David et vous emmagasinez l'eau dans le réservoir inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous en démolissez pour fortifier la muraille. Vous construisez un bassin entre les deux murailles pour l'eau de l'ancien réservoir. Mais vous ne tournez pas le regard vers l'auteur de tout cela. Vous ne voyez pas celui qui le prépare depuis longtemps. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'Univers, vous appelle aujourd'hui à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous habiller d'un sac. Et voici de la gaieté et de la joie. On abat des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons, dit-on. L'Éternel, le Maître de l'Univers, me l'a révélé. Non, cette faute ne vous sera pas pardonnée jusqu'à votre mort. C'est le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'Univers qui le dit. On va prier. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, qui nous est adressée, qui est écrite bien avant qu'on soit né, mais que ça s'applique à nous aussi, Seigneur. Merci d'ouvrir notre entendement pour qu'on puisse aller voir ta volonté pour nous dans cette parole qu'on étudie ensemble. Amen. C'est un texte difficile. Si vous savez pas compris grand chose, c'est normal. On va les décortiquer ensemble. Je vais essayer de ne pas prendre trop longtemps. Je ne vais pas focuser nécessairement sur l'aspect historique ou contextuel, mais on va faire un survol rapidement pour comprendre où est-ce qu'on est. Ici, on parle de la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem est sur le point de se faire d'être assiégée par l'armée assyrienne. L'armée assyrienne, c'était très puissante à l'époque. Puis c'était considéré extrêmement cruel et brutal. C'était pas mal les standards à l'époque, mais eux, ils avaient la réputation d'être beaucoup pire que la moyenne. En fait, trouvez ça sur Internet, c'est pas clair, mais je vais vous expliquer quand vous allez voir, si à l'époque vous prenez une audience pour aller voir les rois assyriens, Sennacherib. S'appelait. Avant de la salle d'audience, là, il y avait ça que vous voyez. Et ça, je vais vous expliquer. Là. Ça, c'est une représentation artistique de. Laissez-moi changer pour pointer là ça. Ouais. Donc, ça, c'est une représentation artistique de noces. Donc, ça, c'est le roi lui-même, Sennacherib. Mais c'est un os qui était spécial. Puis c'est expliqué avec un plaque en bas. Là. Quand vous allez voir le roi, là, vous voyez ça avant de rencontrer le roi. Puis c'est expliqué en bas avec du texte. Ça disait que ça, c'est le roi en train de marier. Ça, c'est la mariée, ici. Une ancienne reine. C'est la reine d'un peuple conquéri par les Assyriens. L'ancien roi, il était mort. Il était décapité. Et la tête de l'ancien mort est ici accrochée à l'arbre. Ça ne se voit pas très bien. Là. Donc, essentiellement, la personne que vous allez rencontrer, Sennacherib ici, c'est quelqu'un qui a tué l'ancien roi, l'a décapité, il a accroché sa tête en arbre, puis il a forcé l'ancienne femme de ce roi-là à lui marier lui. Donc, ça, c'est le contexte. Okay? C'était extrêmement cruel même pour les standards de l'époque. Donc, l'armée assyrienne est en train de parcourir toute la Palestine, en train de conquérir tout ça. Et il y a la version, c'est intéressant parce que c'est un cas assez rare, on a la version assyrienne de l'histoire aussi. Ça c'est la version assyrienne, c'est dans les musées à Chicago, pas loin d'ici. Et ça explique que, justement, l'armée est en train de tout ravager. Même à l'intérieur d'Israël. Et avant de se rendre à Jérusalem, ils sont déjà conquéris et ravagés 46 villes et villages juifs. Donc, quand ils se rendent devant Jérusalem, non seulement ils ont une réputation terrible, mais en plus, ça fait un certain temps qu'ils sont en train de ravager carrément toutes les villes et villages qui passent à travers. Et là, ils se rendent sans aucune défaite, ils se rendent devant Jérusalem. Faut comprendre aussi qu'à l'époque, ça, c'est pas Jérusalem, ça, c'est juste une représentation artistique, mais les villes. Était bâti comme une espèce de forteresse. Ça fait que quand une armée ennemie venait assiéger la ville, si on ne pouvait pas vraiment la repousser, mais la stratégie, c'était de s'enfermer à l'intérieur de la ville et attendre qu'essentiellement l'ennemi s'épuise puis s'en aille. C'était une stratégie plutôt passive. Pour l'ennemi qui attaquait la ville, mais il campait devant la ville, à l'extérieur, et il y avait plusieurs options, mais l'option préférée à l'époque, c'était juste attendre que le monde à l'intérieur meure de faim, de soif. Il soit tellement affaibli qu'éventuellement, il se rend. Donc, c'était quelque chose qui pouvait durer des mois, voire des années, des fois. Mais à l'intérieur de la ville, vous pouvez imaginer tout ce temps-là, assiéger, c'est la terreur. C'est juste voir jusqu'où qu'on va pouvoir résister et qu'éventuellement, si l'ennemi finissait par conquérir la ville, Mais c'était soit la mort pour tout le monde, une bonne partie de la population, soit qu'ils deviennent des esclaves. Je vous épargne l'essor réservé aux femmes. Mais c'était pas vraiment une option, là, de savoir. C'est une situation désespérée qu'on a rendue ici. Particulièrement dans le cas de Jérusalem, comme je vous disais, l'armée assyrienne, réputée très cruelle et brutale, mais elle a déjà ravagé 46 villes juives avant de se rendre ici. C'est ça le contexte d'Ésaïe 22. Il y a plusieurs passages dans l'Ancien Testament qui adressent cet événement ponctuellement. Il y a dans Deux Rois, par exemple, il y a les détails de comment ça se passe et tout. Je ne veux pas m'adresser à la résolution du conflit, mais c'est plutôt ce qui vient avant. Ésaïe 22, c'est une prophétie donnée par Dieu au prophète Ésaïe pour dénoncer certaines choses que le peuple fait pendant qu'il se prépare à l'invasion. Donc ça, c'est avant. Donc dans ce contexte-là, on va voir que Jérusalem, il tombe dans le désespoir. C'est normal. Je dirais, dans une situation comme celle-là, il voit venir une énorme armée ennemie, une puissance militaire, puis cette situation-là. Donc, c'est quoi la réaction? On va juste voir brièvement la première partie du texte. Il y a une armée à l'extérieur de la ville qui est supposée défendre la ville. Il y a même des mercenaires qui viennent d'ailleurs, on voit dans le texte d'histoire. Bon, cette armée, en voyant venir l'armée assyrienne, il prend la fuite, s'en va, il abandonne la ville. La ville qu'ils sont supposés défendre, c'est l'égalpiste. Donc, dans le verset 2, ça dit, tous tes chefs prennent la fuite ensemble, ils sont faits prisonniers par les archers, tous ceux qui ont trop sont faits prisonniers pendant qu'ils s'enfuient au loin. Donc, ça commence très mal pour la ville de Jérusalem. L'armée qui est censée la défendre, ben, ils ne sont plus là. Fait qu'ils sont comme laissés à eux-mêmes. Par la suite, on voit, ici c'est le prophète Ésaïe qui parle, c'est un jour d'angoisse, d'écrasement et de honte envoyé par le Seigneur. Donc, Ésaïe, malgré la détresse extrême, puis le désespoir, il reconnaît que cet événement, comme tout événement, est sous le contrôle de Dieu. Gardez ça en tête parce que c'est important pour notre compréhension plus tard. Un peu plus tard, on voit que l'armée ennemie avance, puis est au port de Jérusalem. Puis elle est si nombreuse qu'elle dit que toutes les vallées sont remplies de l'armée ennemie. Donc, non seulement c'est la panique, mais ça dure dans le temps. On dirait que ça rallonge. Ça fait un effet sur le moral. C'est pas juste. C'est une chose que d'avoir la peur, la panique un jour. Une autre chose, c'est quand ça dure des semaines, des mois. Donc ici, on voit dans la vision d'Ésaïe, justement, l'armée ennemie qui campait devant Jérusalem, puis est nombreuse, qui s'est remplie la terre. Puis finalement, la ville de Jérusalem abandonnée de son armée défensive, mais ils vont quand même faire des efforts pour se défendre. Fait que, ils vont jusqu'à démolir des maisons pour renforcer la muraille. Parce que c'est la seule chose qui sépare les attaquants d'eux, c'est le dernier moyen défensif, c'est la muraille en question. Ça fait que, ils mettent tous ces efforts là-dedans. Il y a aussi le fait que, comme je vous disais, normalement, quand une ville se faisait assiéger, mais il restait enfermé à l'intérieur. Ça fait qu'il fallait avoir de l'eau, la nourriture, que ça dure le plus longtemps possible. L'idée, c'était de pouvoir résister et que l'ennemi s'en aille tout seul avant d'envahir la ville. Donc, pour ça faire, par exemple, ils vont faire des ouvrages pour avoir un réservoir d'eau à l'intérieur de la ville. Parce que Jérusalem, le réservoir d'eau était à l'extérieur à ce moment-là. Comme ça, ils ne vont pas résister longtemps. Ça fait qu'ils vont mettre beaucoup d'efforts. Vous imaginez là qu'il faut creuser dans la roche pour faire un canal pour envoyer l'eau jusqu'à l'intérieur de la ville. Donc, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'espoir, Jérusalem. Ils n'ont plus de moyens militaires vraiment pour se défendre. Ils font face à un ennemi qui est imbattable, essentiellement, et c'est la peur. Et là, ils font ce qu'ils peuvent, d'un point de vue humain, pour essayer de résister le plus possible. Donc, dans ce contexte-là, le prophète Esaïe va impliquer Dieu, va expliquer que Dieu est dans le décor. Il n'est pas un étranger ici. Il va dire dans les versets 11 et 12, Esaïe va dire, mais vous ne tournez pas le regard vers l'auteur de tout cela. Donc, vous passez le temps à essayer de vous défendre, de monter la muraille le plus haut possible, la renforcer, d'essayer d'avoir de l'eau à l'intérieur de la ville pour résister le plus longtemps possible, mais vous ne regardez pas Dieu. Donc, vous ne tournez pas le regard vers l'auteur de tout cela. L'auteur de tout cela, ce n'est pas le roi Sennacherib en question, des Assyriens. L'auteur ultime de tout, c'est Dieu. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui permet les choses. Vous ne voyez pas celui qui les prépare depuis longtemps. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, vous appelle aujourd'hui à pleurer et à vous lamenter, à vous raser la tête et à vous habiller d'un sac. Donc ça, c'est Esaïe essaie d'attirer le regard du peuple d'Israël en disant, vous êtes tellement focusé sur l'aspect militaire de la chose, l'aspect de préparatoire, si vous voulez, de planification, vous avez oublié Dieu. Mais c'est Dieu qui a envoyé ça, puis c'est Dieu qui est en contrôle. Et l'objectif de Dieu, c'est votre repentance. Il dit, il vous invite à pleurer et à vous lamenter. Donc, c'est toutes des manifestations visibles de la repentance. À vous raser la tête, aussi, c'est, ou à vous habiller dans un sac. Et ici, il parle justement d'enlever, surtout si tu es quelqu'un de riche, là, t'enlèves tes vêtements somptueux, là, puis tu mets un sac. Comme c'est un sac de poubelle aujourd'hui, on dit. Et c'est un signe de détresse, c'est un signe d'humiliation. Il était aussi de se jeter des cendres sur soi-même. Il y avait plusieurs signes de détresse à l'époque. Mais on voit que à la place, le peuple, à la place de tomber dans la réflexion, l'humiliation, il tombe dans la débauche. Il se sent perdu d'avance. C'est la défaite assurée. Donc, tant qu'à faire, voici la gaieté et la joie. On abat des bœufs et l'on tue des brebis. On mange la viande et l'on boit du vin. Mangeons et bouvons, puisque demain nous mourrons. Donc, essentiellement, c'est le temps de faire le parti. Parce que là, à partir d'aujourd'hui, ça va être la catastrophe, la mort, l'esclavage, le pillage. Donc, c'est une attitude, on appelle ça hédoniste, c'est livrer au plaisir, essentiellement. Et Dieu, c'est le contraire de ce que Dieu veut, exactement le contraire. Là. Si vous comparez la première partie de la diapo en haut avec celui d'en bas, là, c'est exactement le contraire de ce que Dieu veut. Dieu permet cette situation. Puis son objectif, c'est que le peuple s'humilie, se tourne vers lui, et ce qu'ils font, c'est pour le parti, essentiellement. Donc, la réponse de Dieu, c'est le verset 14, la fin de mon texte, c'est la condamnation de Dieu. Ça dit, l'Éternel, le Maître de l'univers, me l'a révélé. Non, cette faute ne vous sera pas pardonnée jusqu'à votre mort. Quelle faute? La faute, c'est que Dieu a planifié cette situation pour que le peuple d'Israël se tourne vers lui. Et à la place, ils ont oublié Dieu carrément. Ils sont tombés dans le désespoir, puis ensuite ils sont tombés dans la débauche. Donc ça, Dieu, il n'apprend pas celle-là. Donc jusque-là, la situation historique. Puis on parle de la repentance ici, l'humiliation. Puis je voudrais se focuser sur ce point-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que c'est un mot qui n'est pas très à la mode, la repentance. On vit dans une culture aujourd'hui où c'est la fierté. La fierté de tout. Même si on se sent, on se croit même dans l'erreur, on nous demande d'être fier. Donc la fierté, c'est un peu le relais contraire de la repentance. Okay? La repentance, ça vient à travers l'humiliation. Là. Et ça ne passe pas aujourd'hui. Là. Ça n'a jamais vraiment très bien passé, mais aujourd'hui, moins que jamais. Donc, moi, je vois, C'est pas une loi, là, ce que je veux décrire, mais c'est un cycle, un processus que je vois répéter. Je le vois dans la Bible, je le vois dans la vie des personnes, je le vois des fois dans ma personne à moi, des personnes autour de moi, et c'est comment ça se passe. Et ça commence souvent, le processus de repentance, avec un malheur. Cette malheur, ça pourrait être une maladie, ça pourrait être une situation financière, ça pourrait être l'armée ennemie qui campe à tes portes, ça pourrait être un problème économique du pays, ça pourrait être à l'échelle nationale, ça pourrait être à l'échelle personnelle. Mais un malheur qui s'établit et ça dure. Une sécheresse, ça pourrait être n'importe quoi, une maladie. Ça s'installe, puis ça perdure. Donc, on vit, ou la personne, ou le pays, à ce moment-là, la ville de Jérusalem, il est dans les malheurs. Normalement, dans ce cycle, le processus de repentance, la prochaine chose qui va arriver, puis c'est Dieu qui contrôle ça, c'est jusqu'à ce moment-là, la personne, le peuple en question, ils vivent dans les malheurs. Mais là, ils se font déclarer pourquoi qu'ils vivent dans les malheurs. Donc, il va voir, c'est ce que j'appelle la prise de conscience. Il va voir soit un prophète qui va venir déclarer quelque chose, comme c'est Esaïe, ou la parole de Dieu elle-même. Tu vis dans le malheur, puis tu ouvres la Bible, puis tu finis par trouver tout seul. Dieu te déclare à travers sa parole, c'est quoi qui t'est arrivé dans ta vie qui t'amène à cette malheur-là. Ça pourrait être un frère, un ami qui vient te voir, puis lui-même, il t'exprime. Révélé par le Saint-Esprit, c'est quoi la source, à la source de ton malheur. Et ça, du moment qu'on se fait dénoncer ça, on se fait expliquer ça, mais là, ça affecte notre compréhension. D'un coup, on est conscient. On est conscient d'où ça vient. Un exemple, on a le droit de ne pas accepter ça. C'est pour ça que j'ai mis prise de conscience du problème ou pas. Un exemple que je peux penser, c'est par exemple le prophète Nathan va voir David à un moment donné, puis à travers une parabole, il va lui déclarer quelque chose que lui, il a fait, David. Puis il prend conscience. Ça peut arriver, si vous lisez par exemple les épîtres aux Corinthiens, l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, en train de dire, vous, ce que vous faites là, c'est une abomination, c'est pas bon. On est en train de déclarer la faute. Je peux penser à Jean-Baptiste en train de déclarer la faute du roi qui a marié la situation qui est immorale où il vit, le roi en question. Donc ça affecte notre compréhension. On se fait déclarer d'une manière ou d'une autre, on arrive à la compréhension de c'est quoi que la source de notre malheur. La prochaine étape qui arrive, c'est le regret. Et le regret, c'est là, c'est Dieu qui va jouer là-dedans, normalement. Une fois qu'on s'est fait déclarer, on a compris d'une manière ou d'une autre, c'est quoi la source de notre malheur, mais l'Esprit de Dieu va venir marteler sur les points. À tous les jours, c'est faux. Et le regret, ça vient chercher nos émotions. Donc avant, le point antérieur, la prise de conscience, c'est plus, on se fait expliquer les choses, on a compris. Mais le regret, ça implique que je me sens mal. Ça vient affecter notre esprit. On pourrait tomber dans la dépression. On pourrait vouloir tout abandonner. Si je retourne dans mon exemple de tantôt du prophète Nathan, du moment qu'il explique ça à David, immédiatement, David tombe dans le regret. Parce qu'il comprend que ce qu'il a fait. Non seulement il comprend, mais il sent. Il se sent en défaut. On a aussi le droit, la capacité d'éviter le regret. Si on voit par exemple quand Dieu va s'adresser à Pharaon, ben, il se fait déclarer des choses. OK, ces choses qui arrivent à cause de Moïse va déclarer Pharaon, les choses arrivent à cause de ça, laisse partir mon peuple. Il n'y a aucun regret de la part de Pharaon. Il va se mettre contre, essentiellement. C'est l'endurcissement. C'est un peu le contraire du regret, c'est l'endurcissement, si vous voulez. Mais ça, c'est plus, vous voyez la suite, il y a la malheur qui s'établit, il y a la déclaration, puis ensuite, il y a le rôle de Dieu, de son esprit, de venir nous pousser dans le regret. Mais on a la possibilité d'échapper à ça. Puis finalement, il y a la repentance, ou pas. La repentance va au-delà du regret. Puis, ça exige des actions. Repentance égale action. Gardez ça en tête, là, parce que on va, dans la période de questions, je vais revenir sur ce point-là. Donc, des actions qui peuvent venir avec la repentance et l'humiliation. Comme dans l'exemple de tantôt, ce qu'Esaïe dit au peuple qu'il devrait faire, c'est dans la lamentation, la façon de s'habiller, la façon de s'exprimer, le fait de voir le monde attristé, pleurer, l'humiliation. Pitcher des cendres sur la table, comme il fait les Juifs aussi. Mais il y a aussi l'aspect de la restauration. La restauration, on ne parle pas de restaurant ici. Là. La restauration, je parle de. Si on est tombé dans une faute, mais la repentance, ça passe aussi pour essayer de réparer cette faute. Ça pourrait être. Des fois, on peut la réparer rapidement, directement. J'ai volé quelque chose, mais je peux la retourner, cette chose, peut-être. Des fois, c'est plus difficile. Là. Si j'ai tué quelqu'un, je ne peux pas le remettre en vie. Là. Donc, la restauration, ça peut prendre un autre moyen. Ça va varier d'une situation à une autre. Mais la repentance, ça exige des actions concrètes. Puis souvent, si pas toujours, il y a l'humiliation qui vient avec. Et ça, là, ça passe pas aujourd'hui. Humiliation, je ne vois pas ça nulle part. Je n'entends pas parler là, que quelqu'un s'est humilié pour demander pardon ou pour essayer de redresser ses actions. On parle plutôt de la fierté. Donc, tout ça, c'est très bon, là. Puis on parle de l'Ancien Testament ici. Ça fait des millénaires. Mais je voudrais juste vous amener pour voir si ça, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Le type de situation que la ville de Jérusalem a vécue. Donc, je fais abstraction, là, je vais sortir de l'aspect historique, là. Je vais essayer de faire ça un peu plus haut niveau. Puis vous expliquer comment je vois que ça arrive, ce type de situation, même si on ne se fait pas assiéger la ville de Montréal. Okay? Mais il y a d'autres circonstances qui pourraient nous faire sentir de façon similaire aux habitants de la ville de Jérusalem à l'époque. Donc, première chose, on apprend une menace lointaine. Lointaine parce que ça se passe loin dans le monde, lointaine parce qu'on préconise ça venir plus tard dans le temps. Ça va venir dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. Puis, on préconise, là, on entend ça à la télé, là, sur Facebook, que honnêtement, les moyens pour contrer ça, il n'y en a pas beaucoup, honnêtement. On ne sait pas trop quoi faire. C'est mieux que ça reste lointain, essentiellement. C'est un problème que si on l'avait aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on ferait? Ça, c'est la première étape. Ensuite, le temps avance, puis éventuellement, cette menace lointaine. Mais là, on commence à voir que si on souhaitait pouvoir passer à côté, que ça disparaisse tout seul, mais il semblerait que ce n'est pas le cas. Dans le cas de la ville de Jérusalem, peut-être que l'armée assyrienne va faire demi-tour, puis vont changer d'idée, vont aller dans une autre direction. Mais ça pourrait être à l'heure actuelle de notre manière, ces choses. Dans le premier point, on se sent déjà démunis d'avance, mais là, on voit que nos espoirs de pouvoir éviter les problèmes carrément, parce que les moyens qu'on a, il n'y a pas de moyens de se débarrasser, mais là, on ne pourra pas vraiment passer à côté. On va revenir le problème. Plus tard, le temps avance encore, on voit la menace finalement est à nos portes de notre maison, à nos portes de notre ville, de notre pays, peu importe, de nos vies personnelles. Et puis là, c'est pire qu'on pensait, en plus. Donc, on avait des nouvelles d'avance, des trucs qu'on entendait, des rumeurs, là, mais là, quand on les voit de proche, là, on voit que c'est pire qu'on pensait. Là, je pense à la ville de Jérusalem qui voit l'armée énorme camper devant les murailles, là, puis ça remplit les vallées au complet. C'est à l'horizon, jusqu'à l'horizon. Et là, ça devient, c'est plus vraiment quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on ressent. On commence à sentir la peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, on sait qu'on va être confronté avec ce problème. Souvent, se garer dans une situation comme ça, c'est que même si on n'a pas une solution, mais on va faire humainement possible tout ce qu'on peut pour contrer ou retarder les problèmes. C'est ce que j'appelle les mesures palliatives. Dans le cas de Jérusalem, ils ont essayé de renforcer les murailles. Mais là, ça ne règle pas le problème vraiment, là. L'armée ennemie est tout le temps de l'autre bord, là, de l'autre côté de la muraille, ils sont juste à attendre, là, que tout manque de nourriture. Donc, arrivé là, on a tout fait ce qu'on pouvait, ce qui est notamment clairement insuffisant, mais là, le moral du peuple est au plus bas, là. Et là, c'est là qu'on arrive dans la situation de Jérusalem, c'est soit la rébellion, l'anarchie, des comportements insensés, honteux, parce qu'il n'y en a pas de solution. On ne la voit pas. On ne voit pas de solution au problème. Le temps passe, s'éternise, puis on ne sait pas quoi faire. Est-ce que ça vous, si ça vous sonne d'actualité, ben là, vous pouvez mettre la COVID là, sur l'écran, là, sur ça, là, puis vous allez voir que ça fonctionne parfaitement bien. Vous pouvez prendre n'importe quel autre problème, là aussi. Mais ça a attiré mon attention parce que j'ai fait les parallèles de façon instantanée. Puis on n'est pas confronté, comme la ville de Jérusalem, à une armée qui va carrément massacrer le monde. On est face à une maladie qui affecte un pourcentage de la population. Puis de ce pourcentage, il y a juste un pourcentage qui va souffrir de ses effets à long terme ou la mort. Mais même dans un contexte moins grave que celui de la ville de Jérusalem, que nous on vit à l'heure actuelle, on passe à travers à peu près le même phénomène. Dieu nous amène à passer à travers ce phénomène. Puis nos moyens humains sont insuffisants. Puis on le sait. Puis à un moment donné, on tombe dans le moral au plus bas. On ne sait plus quoi faire. Puis jusqu'à où que ça va aller. Puis combien de temps ça va durer. Puis on ne sait pas. Puis personne n'a de réponse. Puis on tombe dans la rébellion, dans la débauche. Moi, je me suis fait raconter, moi, je n'étais pas là, là, mais quand c'était la crise du verglas dans les années 90, je pense. Mais c'est ça, c'est une situation. Puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis là, c'est la rébellion, la débauche. Il n'y a pas vraiment de solution en court terme. Puis on parle de courant, okay? Ce n'est pas une ville assiégée, là. Mais c'est juste dire que, de la même façon que les Juifs, ils ont réagi il y a longtemps, mais on n'est pas très différents. ça fait que je vais m'arrêter là, mais avant, là, j'ai quelques questions pour vous, pour lancer la discussion. La première, c'est, je vous ai avancé un petit peu ma version de la réponse, mais je voulais entendre votre version aussi. C'est quoi la différence entre le regret et la repentance? Le regret, ça existe, puis c'est très répandu. La repentance, pas vraiment. Là. Mais je voudrais comprendre qu'on parle plutôt, c'est quoi la différence? Parce qu'on semblerait que Dieu veut qu'on passe à la repentance. Donc à ce moment-là, pourquoi que Dieu veut qu'on se repente? À quoi ça sert la repentance? Ça, c'est très important. Parce que on voit tout le long de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on revient souvent sur la repentance et que Dieu veut qu'on se repente. Donc, pourquoi est Dieu tellement intéressé qu'on se repente? C'est quoi qui est d'important dans la repentance? Finalement, comment qu'on se repent? Qu'est-ce que ça vous pourriez donner des cas concrets ou plus abstraits, mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou arrête de faire, je ne sais pas, là, pour me repentir? Donc, c'est ça le contexte. Je retourne la parole à Gilles. Tous vos commentaires, questions sont bienvenus. Merci.